hỏi. Si mal au fond de mon cœur, un tout et rien du tout, des images encore floues, tout en douceur. De la scène où mes congés lâchés sur tes tombes, tout en douceur au fond de mon cœur. Tous ces enfants qui pleurent laissent des traces au bonheur. J'ai fléché dans la nuit, aujourd'hui c'est fini. Hide, hide, hide, hide. Hide, hide, hide, hide. J'ai plus mes lits. Hide, hide, hide, hide. En mer de Chine. Hide, hide, hide, hide. J'ai plus mes lits. Hide, hide, hide, hide. Hide, hide, hide, hide. De Paris à Shanghai, extrêmement, que de photos jaunies laissent des traces à ma vie. Extrême-Orient, ces images du passé au visage oublié. Extrêmement, extrême-Orient, que de couleurs de soie laissent de douleur en moi. J'ai triché dans la nuit, aujourd'hui c'est fini. Hide, hide, hide, hide. Hide, hide, hide, hide. She's the medic.